Ah, t'es avec ton chien? Ouais, avec Billy. Avec Billy? Comment tu vas, ma chérie? Ça va, hein? Est-ce que tu entends ma musique? Non, je vais l'arrêter. Vas-y. Je vais l'arrêter. Voilà. Alors, ça fait plaisir de t'avoir. Pourquoi on ne pouvait pas t'avoir avant? C'était entre les bagages pour partir en vacances, voilà, et tout. C'était compliqué. Alors, t'as ton abonnement, t'as ton nouvel abonnement de téléphone? Oui. Enfin, j'ai un nouveau téléphone, j'ai repris mon compte Instagram. Ah, d'accord. Voilà. T'as un nouveau téléphone. Qu'est-ce que c'est comme marque de téléphone? C'est un iPhone. Ah, c'est super. Et tu l'as récupéré? C'est un neuf? C'est pas un neuf, c'est un d'occasion. C'était à ma copine, la famille de ma copine qui s'en servait plus. Du coup, il m'en a donné. Il a fait que 2 semaines ou 1 semaine et demie. Ah bon? Et oui. Il n'est pas vieux alors, ce téléphone? Non. Bon, ben c'est bien ça. Ah, j'entends les mouettes, et les goélands, t'es à Dieppe là? Oui, je suis à Dieppe avec Mouti. Et avec Jason? Jason, il est rentré, ils sont venus... on est venus ce week-end ici, et ensuite, moi, je reste avec Mouti, et Jason, il est rentré avec papa et maman parce qu'il travaille. Il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Enfin, non, maman et papa, ils travaillent, du coup, ouais. Eux, il est rentré avec eux. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, Jason, tout seul à Paris? Je crois qu'il va voir ses copains, parce qu'après, ils partent en vacances, du coup, il va en profiter un peu. Ouais, c'est vachement bien, ça. C'est bien. Alors, moi, je voulais te féliciter pour ton brevet. C'est bien, ça, Manon? T'as eu de bonnes... Merci. C'est super. Ça m'a fait très, très, très plaisir. Et ouais. Alors, comment ça s'est passé, ton brevet, dis-moi? Déjà, j'ai fait un oral de brevet où on pouvait choisir le sujet. Donc moi, je l'ai fait avec ma meilleure amie et on l'a fait sur la coiffure parce que je ne sais pas si je t'ai dit, mais j'ai envie d'être coiffeuse. Si, tu m'as dit ça, oui. Et alors, ça, voilà. C'est bien. Et on a créé une maquette et un discours et le sujet pour parler, quoi. Ouais. Et du coup, on a fait cet oral-là. Après, il y avait un contrôle continu. Je pense que j'ai eu mon brevet rien qu'au contrôle continu. Parce que les évaluations, j'ai eu des bonnes notes durant mes années de collège. Donc, normalement... Ouais, c'est bien. Voilà. Et après, j'ai passé les épreuves et ça m'a mis encore plus de points. C'est bien ça, dis-moi. C'est bien. Alors, t'as eu combien de points, en fin de compte? Je sais pas encore, mais parce qu'ils l'ont pas dit, il faut que je me connecte, sauf que il faut mettre un numéro et le numéro, je m'en souviens plus. Bah alors, comment on va faire? En fait, j'ai le numéro de candidat, parce que quand on est au brevet, ce sont nos copies de, par exemple, de maths, d'histoire, de français. Il faut marquer le numéro du candidat, sauf que le numéro, il est long, il comporte au moins 15 chiffres. Oui. Et le numéro, je l'avais sur un papier à côté de moi, et du coup, quand j'écrivais le numéro, je voyais le numéro du candidat. Sauf qu'ensuite, la feuille avec le numéro du candidat, elle est à Beson. Elle n'est pas ici, donc je ne peux pas savoir. Ah, d'accord, mais ta mère, elle peut savoir, elle. Oui, elle peut savoir, mais elle ne sait pas où c'est. Il faudra que je lui dise, mais même moi, j'ai oublié où est-ce qu'elle est. Ah, quand est-ce que tu vas revoir tes parents? Je pense qu'ils viennent le week-end. Non. Mouti, tu sais, ils viennent quand? Dans une douzaine de jours. Dans une douzaine de jours. D'accord. Bonjour, Mouti. Bonjour. Tu vas bien, Mouti? Oui, très bien, toi aussi. Ouais, en pleine forme. Un peu chaud, mais en pleine forme. C'est bien. Alors, dis-moi, tu sais, demande à tes parents de venir avec ce papier ou de t'envoyer une photo du papier. Ouais, bah oui, faut faire ça. Ah bah oui, attends, parce qu'il faut avoir ses notes quand même. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'à mon oral de brevet que j'ai fait, ben, j'ai eu 100 sur 100. À l'oral, 100 sur 100, celui que tu as préparé avec ta copine? Oui, et le brevet, il est sur 400. Du coup, là, j'avais déjà 100. Ouais. Et Alors, c'était après, quoi? avec les Dis-moi épreuves. l'oral que tu as préparé avec ta copine, ça. C'était quoi? Tu l'as enregistré? Tu t'es fait une vidéo? Tu as fait des trucs? Non, je me suis entraînée à la maison. J'avais une maquette. On avait créé un salon de coiffure en maquette. Et ensuite, on est passé devant des professeurs au collège qui nous ont évalués, notés. Et du coup, non, j'ai pas de vidéo, mais T'as pas j'ai pris la de photo de vidéo. la maquette. Ah, t'as la photo de la maquette. Tu me l'enverras, la photo de la maquette? Ok, je t'enverrai. J'ai acheté une tenue pour présenter l'oral. Donc, je te montrerai aussi la tenue si tu veux. Ah oui, tu vas te prendre en photo. Et Mouti, c'est Mouti qui va te prendre en photo avec ta tenue. Tu l'as avec toi, ta tenue, là? Non, je l'ai à besoin. Mon Ah, c'est oral, à il est déjà pas besoin. Bah ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Mais, genre, c'est ma copine qui m'a prise en photo. Donc, je lui demanderai de m'envoyer la photo. Comme ça, je te l'envoie. Ah bah ouais, je veux voir comment t'es belle. Qu'est-ce que tu regardes là, comme ça? C'est Billy. Ah c'est Billy. Il est où? Ah ouais, d'accord Billy. Bah alors, qu'est-ce qu'il a? Il réfléchit. Elle joue avec sa balle. Ah, d'accord, c'est bien. Elle marche bien la vidéo là, c'est bien. Ouais. Mais Ouais. c'est bizarre, je t'ai pas entendu. Ça a sonné très très faiblement. C'est bizarre ça. Il y a des trucs sur Instagram, je piche pas. Parce que l'autre fois, quand tu as appelé, j'aurais pu te répondre, mais j'ai pas entendu. Et puis, je sais pas. Tu as appelé quand? Ce matin? Vers 11h30, quelque chose comme ça. Oui. Ouais, alors je pouvais pas te répondre parce que je prenais mon bain. Ah, d'accord. Voilà, j'étais tout nu dans ma douche. Alors, D'accord. raconte-moi, qu'est-ce que donc ce brevet, ça s'est bien passé? Tu es contente? Oui. Tu vas pouvoir rejoindre ton lycée? Ouais, au début, je pensais que j'allais pas avoir mon brevet parce que même si je me donnais les moyens d'y arriver, j'arrivais pas. Genre, des fois, il y avait des chapitres que je comprenais pas ou quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais pas réussir et tout. Et en fait, j'ai eu carrément la mention. Donc, Qu'est-ce que. Quelle mention? Assez bien, tu m'as dit. oui, Ouais. assez bien. C'est comme Jason, pareil, assez bien. Bah, Ouais, ton lui aussi. papy aussi, il a fait assez bien. Ouais. Bon, on n'est qu'assez bien dans la famille, quoi, toi. Et Ouais. donc, tu pensais pas l'avoir. Et puis, en fin de Non. compte, tu l'as eu. C'est bien, c'est bien. Bon, Ouais. t'as fait de la gymnastique pour le brevet? La gymnastique, Ouais. pas pour le brevet, non. Ah, ben, ça aurait été bien de faire de la gymnastique comme t'es forte, t'aurais fait encore plus de Ouais, points. là, j'aurais eu mon brevet, même avec mon son très bien, mais bon. Ah, voilà. Et tu vas continuer la gymnastique? Ouais. Ta copine aussi a fait de la gymnastique? Non, mais elle va peut-être faire de la danse, Ah, enfin de la danse hip-hop ou un truc comme ça. ça, c'est bien. Ah oui, ça, c'est bien, mais il faut faire extrêmement attention. Tu en as déjà fait du Ouais. hip-hop? Comment? Tu as déjà fait du hip-hop? Non, mais j'ai déjà vu des gens faire et des vidéos. Ouais, t'as vu, c'est Mariole, hein? Il Bah, faut... faut tourner sur le dos, la Ouais, tête et tout, et ça l'a puis un les peu. mains, poser les mains sur le sol, tourner sur les mains. Faut faire extrêmement attention à ça. Extrêmement attention parce que t'as beaucoup de jeunes qui se font mal, parce qu'ils retombent mal, parce qu'ils font des faux mouvements, ça va vite. Bah oui. Et ça te dirait de faire du hip-hop, toi? Bah j'hésitais, mais je sais pas. Pourquoi pas? Parce qu'en vrai, ça peut me... Enfin, ça me tente et si elle en fait, ben, ça m'encourage à faire vu qu'on fait à deux. Mais je sais pas encore, je vais réfléchir. Elle, c'est pas sûr qu'elle fasse, mais si elle fait un truc, c'est ça, c'est sûr. Mais toi, continue la gymnastique parce que ça, tu fais bien, parce que tu travailles bien avec ton corps, etc. Et puis, tu as des bons professeurs. Ouais. Est-ce que tu aurais toujours le même professeur de gymnastique l'an prochain? Au début, on ne savait pas, mais après, il a dit oui. Mais sinon, normalement, j'allais avoir une autre professeure que j'aime pas. Ah. Mais elle part, elle s'en va, elle va vivre en Bretagne d'ailleurs, mais je ne sais pas où en Bretagne, mais elle va vivre en Bretagne. Et du coup, elle s'en va, donc j'aurai celui que j'ai déjà eu cette année, mais bon. Je l'aime bien lui. Mais ça, c'est bien ça. Parce que, tu sais, faire du sport comme ça, avec des professeurs que tu aimes, c'est bien, tu les connais bien, tu progresses bien, tu es en confiance, tu comprends, hein? Il faut être en confiance. Oui. Bah oui, moi j'ai déjà été, j'ai déjà fait des cours avec la prof que j'aime pas trop, et quand j'arrivais pas à faire quelque chose, bah, au lieu de me dire c'est pas grave, fais un autre truc, elle me disait qu'il fallait que je m'assoie sur le banc, que j'aille me rhabiller parce que je savais rien faire. Elle me décourageait. Elle t'a pas encouragée, c'est pas une bonne. C'est pas bien de l'envoyer en Bretagne quand même, parce qu'elle va faire du dégât ici, et alors... On ne va pas avancer, nous les Bretons, avec la gymnastique. Hein. En plus, alors... elle appelait mes parents pour dire que je ne voulais pas travailler alors que j'essayais, mais ça me faisait peur, ou alors que je me faisais mal. Voilà, il ne faut pas te faire mal. Il faut que tu sois en confiance. Mais en fait... Ouais, dis-moi. En fait, cette prof, elle est là que pour la compétition. Du genre, nous, quand on fait des compétitions, on est là plus pour s'amuser. Et voilà, elle, c'est vraiment, il faut gagner, il faut arriver en première place. Genre, nous, si on perd, on arrive 8e, par exemple, bah, c'est pas grave, on aura fait un bon truc. Et puis, on n'a pas non plus perdu vraiment. Et puis, c'est pas grave, genre, c'est pour s'amuser. Elle, c'est vraiment, il faut gagner la coupe, faut arriver en premier, il faut être là au JO l'année prochaine. Ah oui, elle veut t'emmener au JO? Non, là j'abuse, mais il faut être en national ou des trucs comme ça. Genre, D'accord. Alors, raconte-moi l'année prochaine ce que tu vas faire. Alors, comme nouvelle discipline. Allez. En gym? En tout? Est-ce que tu vas avoir des... Bon, là tu vas passer en quatrième, en troisième, en seconde, hein? T'as passé en seconde. Qu'est-ce que tu fais de neuf par rapport à cette année? Déjà, je vais dans un lycée où il y a trois spécialités. Enfin, il y a une partie de général, une partie de CAP et une partie de pro. Oui. Et moi, je vais côté CAP pour faire un CAP coiffure. D'accord. Et j'y vais avec ma copine, comme ça on est à deux et... Du coup, vu que ça me passionne la coiffure depuis que je suis petite, et elle aussi, bah, ça nous fait déjà un truc en commun, du coup, on ira ensemble. D'accord. Et voilà, ce qui change, c'est qu'il vous faudra porter un uniforme, enfin, juste un haut, mais bon, ça, on s'en fiche. Et voilà, et c'est tout. Oui, mais attends, tu ne changes pas du collège vers le lycée pour porter une blouse de coiffeuse. Oui. Bon, tu vas peut-être faire quelque chose de plus intéressant. Quand tu dis que tu vas passer un CAP, c'est pas un CAP que tu fais, toi. Tu vas faire un bac pro? Au début, je comptais faire un bac pro, et même maman, elle m'a dit que ça m'ouvrira plus de portes, je pourrais faire plus de choses avec un bac pro. Oui. Que quand on est allé à la porte ouverte du lycée, moi et ma copine, ils nous ont conseillé un CAP, parce que déjà, toutes les coiffeuses d'aujourd'hui, elles ont fait un CAP et elles gagnent bien, elles gagnent peut-être mieux qu'un bac pro. En plus, on est dans les nouvelles tendances. Ça veut dire que, par exemple, nous, les filles qui font un CAP, on va pouvoir faire des coiffures tendances, enfin, des nouvelles modes, alors que peut-être les bac pro, ils vont faire des anciennes coiffures. Ils ne sont pas toujours dans la dernière mode. Ensuite... Bac pro, t'es obligé de, si tu veux faire un bac pro coiffure, t'es obligé d'avoir aussi de l'esthétique. Et nous, on est plus passionnés pour la coiffure. Donc, ça veut dire, si on fait un bac pro, ok, on peut découvrir l'esthétique, mais c'est vraiment pas ce qui nous passionne. Genre, nous, on est plus focalisé sur la coiffure. Du coup, on compte faire qu'un truc coiffure. Et si on veut faire que de la coiffure, faut faire un CAP. Et on nous a conseillé. Et du coup, on va faire 2 ans de CAP coiffure. Après, un brevet professionnel de coiffure. Et après, faut ouvrir notre salon. Donc, on va peut-être l'ouvrir un peu jeune. On sera encore un peu jeune, mais c'est pas grave parce que c'est mieux à ce qui paraît. Parce que de base, le bac pro, il n'existe pas. Ils ont créé le bac pro juste pour rassurer les parents à ce qui paraît. Parce que les parents, ils pensent que c'est mieux de faire un bac pro alors que justement... Je pense, moi, je suis un peu de cet avis. Parce que tu auras plus d'ouverture avec un bac pro qu'avec ton CAP de coiffure. Ton CAP de coiffure, ça va t'enfermer dans de la coiffure. Bon, alors de la coiffure, tu vas en faire matin, midi et soir. Très bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Tu parlais d'esthétique. C'est bien de s'intéresser aussi à l'esthétique. Bon, ça ne t'intéresse pas aujourd'hui, on peut le comprendre. Mais demain, ça peut t'intéresser. Et l'esthétique, ça se marie bien avec la coiffure. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ouais. Moi, je pense que... Et après, est-ce que tu peux, dans un an ou deux, passer ton bac si tu veux évoluer, quoi. Il n'y a pas de... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a une fenêtre pour aller vers le bac si... bon, une fois que tu as ton CAP, bon, tu as ton CAP, c'est bien, ok, c'est parfait, tu peux rentrer dans la vie active, etc. C'est très bien. Mais bon, peut-être que tu as envie de faire évoluer un petit peu les choses, peut-être que... Ouais. Est-ce que si tu as un CAP, tu peux passer ton bac pro? Ça, je sais pas, mais en tout cas, je sais que le brevet professionnel après les 2 ans de CAP, il est plus dur que le bac pro parce qu'il se concentre que sur la coiffure. Du coup, tu apprends tout ce qui est coiffure, alors que bac pro, justement, on dirait que c'est plus dur parce qu'il y a esthétique et coiffure. Mais en fait, c'est beaucoup plus simple. Du coup, ce qui paraît, c'est mieux de faire un CAP parce que voilà. Enfin, nous, on nous a conseillé ça et maman, au début, elle n'était pas trop pour. Elle pensait que c'était mieux un bac pro. Ouais. Et finalement, elle m'a inscrit en CAP et du coup, voilà. Bon, on verra, hein. Mais, puis je vais te dire après, parce que rentrer dans la vie professionnelle, c'est bien. T'as quel âge? 14, je vais sur mes 15. T'as 14, disons 15 ans. T'as 15 ans. Ton CAP, tu l'as en combien d'années? 2 ans? Oui. 2 ans. Tu auras 17 ans. Bon, tu as 17 ans, tu vas te retrouver à 17 ans dans un salon de coiffure, à faire des shampoings. Tu t'es renseigné là-dessus? Tu as été voir un salon de coiffure pour leur dire, voilà, je vais arriver sur le marché à 17 ans et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je peux faire dans votre salon? Non, pas encore, mais on m'a conseillé d'aller le faire durant les années de CAP, comme ça je suis au courant. Du coup, j'ai pas encore fait. Ouais. Bah. Mais genre, pendant que je fais mes années de CAP, il faudra que j'aille voir différents salons pour m'informer. Ouais, moi je serais toi, je me renseignerais bien si tu veux. Bon, avec le CAP, tu seras plus vite effectivement sur le marché du travail. Ok, bon. Et qu'est-ce qui va te manquer si tu veux être sur le marché du travail pour faire des shampoings et passer à la coiffure et à toutes les techniques de coiffure? Parce que tout ce que tu auras appris à l'école, est-ce que tu crois que tu pourras les mettre, tout ce savoir, toutes ces connaissances, les mettre en œuvre dans ton futur, comment dirais-je, atelier de coiffure? Je sais pas. Moi, je me renseignerai bien. Hein. C'est pour toi. C'est pour toi. Ben non, c'est pour toi. Si, regarde, tu as 15 ans, t'as passé bien ton BEPC, ton brevet, etc., etc. Donc, t'as du potentiel, quoi. C'est ça que je veux dire. Et ce potentiel-là, si tu l'utilises pas, voilà, ça me paraît dommage pour toi, parce que tu vas vite. Ouais. Parce que à quel âge tu peux avoir ton salon de coiffure? Quand est-ce que tu peux avoir ton salon de coiffure à toi? Je crois 17 ans, 18 ans. Il faut au moins 18 ans, il faut que tu sois majeur. Voilà. Ouais. C'est pour toi. Réfléchis bien, Manon, réfléchis bien à tout ça. Réfléchis à... Mais dans tous les cas, dans tous les cas, j'ai fait mes inscriptions. Là, on sait que je suis en CAP. Je peux pas trop changer maintenant. Non, non, mais je sais bien. Bon, tu peux pas trop changer, mais toi, moi, j'avais fait un peu fausse route dans mes études. J'ai passé mon baccalauréat par correspondance. Toi, bon, faut donner un petit coup de... Bon. Et derrière, bon, ça ouvre la porte de la faculté. Toi, tu vas te borner à... Voilà, bon, je trouve ça dommage. Moi, je trouve ça dommage. Pour toi. Mais tu vas réfléchir. Tu sais, il y a... Regarde bien. Et essaye. Tu as déjà travaillé dans un salon de coiffure ? Non. Moi, je demanderai à travailler dans un salon de coiffure. Je demanderai à voir... tu connais quelqu'un qui pourrait... te faire faire un stage un peu prolongé dans un salon de coiffure? Bah, je sais que le salon de coiffure que je vais d'habitude, il prend pas de stagiaire. Bon, après, j'ai des amis qui sont coiffeurs, mais c'est loin, enfin, c'est pas ici, quoi. Du coup, je sais pas. Et ils sont où, ces amis qui sont coiffeurs? Bah, en fait, ma marraine, elle a plein de copines qui sont coiffeuses. Et elle en a une qui est coiffeuse en France et une qui est au Portugal. Du coup, on va pas aller au Portugal. Mmh. Mais en France, je sais pas où est-ce qu'elle est, mais je sais qu'elle n'est pas du tout à côté de chez nous. Écoute, moi... Genre, je pense à le sud de la France ou un truc comme ça. Du coup, d'accord. C'est compliqué. Ça vaut le coup de se renseigner, Manon. C'est pour toi. Oui. Si tu veux. C'est pour toi. À mon sens, bon, tu vas te retrouver sur le marché du travail. Bon, c'est très bien, ok. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait au démarrage dans un salon de coiffure? C'est donc des shampoings. Ouais, bah je sais pas. C'est pas très passionnant, ça. Bon, tu vas réfléchir à tout ça, hein. Me regarde pas, sois pas triste. C'est bien, t'as... Non, mais je suis pas triste. Non, mais quand je te voyais, là, t'avais l'air un peu... ton papy, bon, il pose des tas de questions, il veut t'emmener... Non, mais je réfléchis, je prends... Voilà. Connaissance. Voilà, c'est très bien. Il faut bien réfléchir, il faut bien que tu t'informes, etc. Voilà. Bon, alors, tu es parti pour ton CAP, tu vas faire ton CAP. Mais on peut faire mieux qu'un CAP, si tu veux. On peut faire mieux. Bah, c'est ce qu'on pensait, mais à la base, Bac Pro, ça n'existe pas à la base. Ça a été inventé il n'y a même pas 10 ans. Ah, il n'y avait pas de Bac Pro de coiffure ? C'est que pour rassurer les parents, parce que les parents, ils se disent que c'est mieux de faire un bac pro, mais à la base, à la toute base, ça n'existe pas. À la base, ils ont fait ça juste comme ça pour... ce qu'ils nous ont dit, tous les coiffeurs de notre lycée qui nous ont dit ça. D'accord. Tous les professeurs coiffeurs et tout, ils ont tous fait un CAP et maintenant, bah, ils vivent bien leur vie, ils sont bien comme ça, ouais. Ils sont contents d'avoir fait un CAP et ils ne voient pas la différence entre un bac pro, parce que bac pro, tu travailles l'esthétique alors que t'en as un peu, tu t'en fiches un peu de l'esthétique et tu préfères la coiffure. Ça dépend. Bon, écoute, ça c'est ton opinion aujourd'hui, mais tu vois, tu prends par exemple tes professeurs. Bon, ils ont fait un CAP de coiffure, mais après, pour être professeur, ils ont fait autre chose qu'un CAP. Bah oui, mais logique, ils voulaient être professeurs. Voilà. À la base, ils sont juste coiffeurs et ils étaient bien comme ça. Ils étaient bien comme ça. Mais tu peux avoir des spécialités. Est-ce qu'il y a des spécialités dans la coiffure? Je pense, oui. T'es pas au courant? Enfin, je sais. Ben, renseigne-toi sur les spécialités de la coiffure. Va sur Internet et regarde spécialité coiffure. Parce que avoir une spécialité, un métier, si tu veux, ce qui est important... c'est de bien maîtriser sa base. Ça, c'est extrêmement important. Et après, une fois que tu as bien la base, que tu as une bonne maîtrise de la base, tu peux prendre une spécialité. Je ne sais pas, spécialité dans le cinéma, dans les perruques. Oui, mais moi, j'aime pas trop genre coiffer des stars ou quoi. Parce que je sais qu'on peut coiffer des mannequins, comme faire des perruques, comme des stars de cinéma et tout. Mais moi, je préfère être dans un salon, faire les clients comme d'hab, genre. Bon. Ça m'intéresse mieux que faire des perruques ou quoi. Alors, tu sais, c'est ce que tu dis aujourd'hui. Bah, je suis allée voir le lycée Elisa Lemonnier à Paris, et j'ai visité une classe de perruques. Et c'est des perruques avec des bateaux, des trucs. Ouais. Enfin, je vois pas qui porte ça à part pour des défilés de mannequins dans les carnavals ou quoi. Ouais. Non, mais il y a des tas d'opportunités dans plein de domaines, si tu veux. Ce qui est important, c'est que avant de t'orienter dans un domaine particulier, tu saches ce qui existe ailleurs. Tu comprends? Parce que tu dis, je fais mon choix, c'est d'aller dans un salon de coiffure. Très bien. Bon, ça, c'est bien. Mais dans ce salon de coiffure, tu vas peut-être voir qu'il y a des opportunités pour faire. Alors attends, parce que moi j'avais rencontré une fille qui faisait de la coiffure, mais avec des teintes, comment dirais-je, bio, tu vois, pas de la chimie. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire des teintures, etc., bio, des trucs. Voilà, bon, ça c'est une spécialité intéressante. Et son métier à elle aujourd'hui, eh bien, c'est de proposer dans son salon des teintes bio. Tu vois? Bon, et ça demande de s'y intéresser, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, ma vie, elle est terminée. Bon, Elle fait de la vente de produits ou elle est aussi coiffeuse? elle est les deux. Ah, ok. Elle est coiffeuse, mais elle propose à ses clients des shampoings bio, des teintures bio, voilà, bon, je sais pas, elle m'avait raconté ça quand elle venait, moi, me coiffer, si tu veux, c'est un coup de Mais tondeuse. je pense pas que c'est une spécialité de vendre des choses bio. Moi aussi, je peux vendre des choses bio, pourtant c'est Ah, mais pas c'est pas de les genre. vendre, c'est de les mettre en application. Oui. Et ça s'apprend, comme le reste, hein. Voilà. Moi, écoute, ce qui me paraît intéressant, c'est que tu saches ce que tu as envie de faire. Ce qui me paraît intéressant, c'est que tu sois bien informé de tout. Bah là, j'étais en train de commencer à m'informer et tout, et voilà. Bon. Et alors, donc, ta spécialité, ton CAP, ça se fait dans un lycée, dans un collège, ça se fait où? Dans un lycée, moi j'ai pris, enfin, je sais pas s'il y en a d'autres, mais en tout cas, moi j'ai un lycée à Argenteuil. Et ce qui est pratique, c'est qu'il est juste à côté de la gym, là où je fais. Genre, vraiment Oui, dans la même rue. ça c'est ce que tu m'as dit, voilà. Et puis pour l'autocar, pour le bus, ça marche pareil. À côté, voilà, ça c'est ce que tu m'as dit. C'est toujours celui-là, c'est toujours le même. Ouais, c'est toujours le même. Il fait côté général, pro et CAP, et moi je vais faire CAP. Et du coup, c'est dans un lycée. Ah donc c'est celui qui Voilà. fait le bac Oui, pro aussi. il fait aussi bac pro. Ah d'accord, ok, c'est le même, d'accord. Et c'est les mêmes profs qui font bac pro et CAP? Je crois pas. Parce que ton CAP, quelle matière tu vas avoir? Je crois que je vais avoir de l'histoire, des langues. Ouais. Je sais que je vais avoir au moins anglais, espagnol. Non, je crois pas espagnol, juste anglais. D'accord. Y avait marqué sur un. Comment ça s'appelle? Un papier, on va dire, qu'il nous avait donné et je l'ai à la maison. Il y a marqué toutes les langues, mais en tout cas, je sais que après, on va faire pratique et théorie. Genre, la théorie, c'est les matières et aussi, par exemple, les sciences, genre la SVT. Voilà. On va étudier le cuir chevelu, la masse de cheveux, comment faire les teintures, l'art plastique, on va faire D'accord. du sport pour tenir debout tous les jours, Ah à chaque oui. fois. Ça c'est. Voilà. Et aussi ben, la pratique où on apprend à faire les brushings, les lissages, les shampoings. D'accord. Ouais, mais ça c'est la partie. Si tu as ma question, c'était de savoir si tu faisais autre chose que de la coiffure. Tu m'as dit. Bah, les matières. Ouais, les matières. Tu fais de l'anglais, tu vas faire. Est-ce que tu vas faire de la gestion? Oui. Ah, c'est important. Quand on a un salon de coiffure, c'est une petite affaire. cette petite affaire, ben, faut savoir bien la faire tourner, faut savoir compter, faut savoir organiser son commerce de façon à pas faire de bêtises et hein, parce que des salons de coiffure, t'en as quelques-uns qui vont au tapis. Ouais. D'accord. Bon, ça c'est important. Bah, y aura aussi des clients qui vont venir dans notre lycée. Oui, ça c'est bien. Ça c'est pour la pratique. Ça c'est bien. Mais il y aura des vrais clients qui vont venir pour se faire coiffer à pas cher, comme ça ils ne payent pas très cher. Oui. Et nous, ça nous fait travailler. Et après, on peut aussi leur voir des produits, leur conseiller des produits et tout. Moi, je serais toi, je m'intéresserais aussi à l'esthétique. Il y a beaucoup d'argent à faire. Moi, ça m'intéresse pas. Je me suis bien intéressée et j'ai fait les portes ouvertes et j'ai regardé et j'aime pas trop. D'accord. Genre les épilations, les faux ongles, ouais. J'aime pas trop. T'aimes pas trop. Bon, d'accord, ok. Parce que, imaginons, moi j'aime bien l'esthétique, mais que les massages de peau ou les trucs comme ça. Ouais. Bah, dans tous les cas, je vais être obligée de pas faire que ça. Je vais devoir faire aussi d'autres, bien sûr. Les autres choses de l'esthétique. Alors que coiffure, tu fais juste coiffure. Après, tu peux être barbeur, ce que tu veux, mais tu fais qu'un seul truc quand t'es coiffeur. D'accord. Alors que l'esthétique, tu vas faire tous les trucs. Et moi, si j'avais un seul truc que j'aimais bien dans la coiffure, dans l'esthétique, bah, j'aurais choisi un seul truc dans l'esthétique. Mais là, je peux faire la coiffure. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est ton choix, Manon. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Et disons, ton examen final, ton CAP, tu l'obtiens en 2 ans. Oui. Très bien. Bon, et ben voilà, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu vas faire pendant tes vacances? Là, je reste encore une semaine et demie ou 2 semaines, je ne sais plus. Enfin, bref. Et je crois le 31 juillet, je pars en Angleterre pour faire un camping. Oui, oui. Voilà, je vais faire un camping. Ensuite, on reste 5 jours, je crois, là-bas. Oui. Du mardi au dimanche, je crois. Oui. Ensuite, on rentre à Dieppe. Ouais, on rentre à Dieppe un peu, je crois. On reste un peu. Ensuite, on va à Beson, on rentre. On reste 2 jours ou 3. On défait les bagages et on refait des bagages pour aller en Espagne. Très bien. Et ensuite, on reste une semaine là-bas. Et ensuite, on rentre. Et ensuite, on va peut-être dans le sud où on ne sait pas encore. Parce qu'il va nous rester une semaine et demie ou une semaine, je crois. À fin août. On se verra peut-être. Oui, ou peut-être, je ne sais pas. Bon, on va voir. On va voir. Parce que y a une amie à maman qui a proposé de peut-être venir passer les voir ou quoi, mais on ne sait pas encore. Ah, d'accord. Ok. Bon, eh ben écoute, Manon, c'était bien ce petit coup d'Instagram, là. C'était sympa. Tu m'as appelé bien à l'heure. C'est bien. Je te félicite. Et puis, ben voilà, on a passé un bon moment ensemble. Ça me permet de mieux savoir où tu en es, ce que tu fais. Et ça m'intéresse, tout ce que tu fais, si tu veux. Et puis, ça m'intéresse de t'encourager, etc. Voilà, hein. Et puis, pour ton prochain anniversaire, on tâchera d'améliorer ça pour encourager ton brevet, quoi, et te féliciter pour ton brevet. Bon, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. D'accord? Oui, ok. Bon, et tu as des devoirs de vacances? Tu as des devoirs de vacances? Non. Non, bon, ben alors, passe de bonnes vacances. Merci, toi aussi. Embrasse bien ton papa, ta maman. Et puis Mouti, si elle entend. Au revoir, Mouti. Elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Elle est là-haut. Ah, elle est là-haut? C'est sur 2 niveaux? Oui, elle est au dernier étage. Du coup, elle a un étage encore en haut. Ah, c'est vachement bien, ça. Ah, d'accord, il y a 2 étages. Ok, bon, bah écoute. Passe plein de bon temps. Je t'embrasse, ma chérie. Et puis, merci. Merci pour tout. Ah, bisous. Salut, ciao. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir.